Je suis le premier arrivé sur le lieu d'un accident corporel. Il faut procéder avec logique et sans panique pour porter secours efficacement aux victimes. Tout d'abord, il faut protéger le lieu du sinistre afin d'éviter le risque de suraccident, puis alerter les secours. Enfin, secourir les blessés dans la limite de mes compétences. C'est ce qu'on pourrait appeler faire le premier pas. Réponse C.